Chapitre 7e. Cette nuit-là, Ganagari, exténué, avait enfin reconnu le groupe de huttes où il savait devoir retrouver son fils. « Il est là, » murmura-t-il, payé de ses fatigues par cette seule idée. Mais, venu de si loin exprès pour le rejoindre, il n'osait plus approcher maintenant. Longtemps il tourna autour du village, ne voulant réveiller personne. Impatient cependant car, pour approcher son fils, cette heure lui eût plu mieux que tout autre. Il lui aurait dit plus aisément dans l'ombre ce qu'il avait à lui dire, et puis sa lassitude eût plaidé pour lui. Il alla se glisser au milieu des huttes, quand il avait aperçu un cavalier qui s'élançait du côté des collines. Les ténèbres l'empêchaient de le distinguer nettement, mais il sembla au vieillard que l'homme qui galopait d'un tel train à cette heure portait le costume d'un visage pâle. « Serait-ce le capitaine qui s'évade ?» se demanda-t-il aussitôt. Si cela pouvait être, il aurait donc le bonheur de rendre service à la tribu en l'avertissant de cette fuite. Cela l'aiderait à se faire écouter. Il se hâtait dans la direction de la case des chefs. Tout à coup, il s'arrêta. Cet Indien, gisant à terre, les yeux fixes, les mains crispées, quelle épouvantable idée! Il lui avait semblé. Mais non, c'était impossible. Il n'aurait pas marché tant de jours et de nuits à travers la forêt, les pieds ensanglantés, il n'aurait pas souhaité d'une telle ferveur de parler à son fils pour arriver auprès de lui au moment même. Le malheureux se pencha, secoué d'un frisson terrible. Plus de doute, cet homme immobile, mort, c'était bien son fils. Mort, avant que le sorcier ait pu lui dire, mort, en emportant l'idée que son père... Son désespoir éclata dans un cri si déchirant qu'un instant après, toute la tribu, soudain réveillée, entoura le vieux sorcier. « Mort !» répétait l'infortuné. « Il est mort !» Il ne trouvait pas d'autre mot. Ce coup de foudre, après tant de douleurs, le terrassait. Il ne savait que montrer le corps de son fils. Il ne voyait rien d'autre. Les Indiens, eux, remontant de l'effet à la cause, avaient tout de suite remarqué l'absence d'Escovedo, sur lequel veillait Tabuaca, ses liens rompus. Par quel sortilège? L'étranger a tué son gardien pour s'enfuir, conclurent-ils. Alors ils interrogèrent Ganagari. D'abord, il ne semblait pas comprendre leurs questions. Puis, se souvenant, il leur dit avoir vu en effet un cavalier courir du côté du sud. À cheval, ordonna la veuve du cacique. Vite, nous ne pouvons manquer de le rejoindre. Allons! Elle regarda ce mort, qui avait tant souhaité de remplacer Kawabo dans son cœur. Elle eut un soupir de pitié et pensa « Je ne lui tiendrai pas la parole donnée. » Elle ajouta tout haut « Un crime de plus, dont le visage pâle nous devra le châtiment. » Et tandis qu'après elle, les guerriers enfourchaient leurs chevaux, tandis qu'à demi pâmé, le vieillard se couchait sur le cadavre de son fils, la petite sœur d'Anakwa, que nul n'avait soupçonnée, murmurait tremblante « Pourra-t-il leur échapper ?» Le cheval qu'elle lui avait fourni était robuste, et il le prouva en escaladant au galop les pentes rocheuses. Escovedo lui faisait côtoyer le rivage à peu de distance. « En ne perdant pas de vue la mer, s'était-il dit, je risque de ne pas prendre le plus court, je suis sûr du moins de ne pas m'égarer. » Mais quand il entendit des clameurs s'élever dans le village, il piqua droit vers le sud, frappant la croupe de sa bête d'une branche arrachée au passage. Mené par un cavalier autrement habile que les Indiens, ignorant l'art du dressage, son cheval courait d'une allure vertigineuse. Depuis longtemps, le jour était venu. Escovedo n'entendait plus les cris des Caraïbes, mais il le poussait toujours, le sentant plein de souffle. Le soir seulement, il le mit au trot, l'encourageant toujours de la main, caressant son cou nerveux, où ruisselait à peine un mince filet de sueur. La lune illuminait maintenant la montagne. Un vent frais venait de la mer. Escovedo avait arrêté un instant sa monture au bord d'un petit lac, où ils s'étaient abreuvés tous les deux. Il lui avait fait mâcher quelques poignées d'herbe. Lui-même avait dévoré quelques fruits, et il était reparti, plein d'espoir, après avoir revêtu le costume de peau. Il suivait toujours la ligne directe du sud, et il ne devait pas être loin du fort à cette heure. Un moment, il pensa avertir ses compagnons de sa présence en déchargeant son mousquet. Mais il réfléchit qu'il trouva peut-être à utiliser sa balle. « Allons, » murmura-t-il, « ils ont perdu ma trace. Je pourrais me vanter de l'avoir échappée belle, sans cette petite, comme il en avait trouvé dans l'enclos de Kawabo. Il suivait sa piste, le nez au vent, encouragé par des cris lointains. Escovedo reconnut les voix des Caraïbes. Il ne s'agissait plus de se féliciter. Il fallait gagner de vitesse, car il n'avait qu'une balle à tirer. Et une balle arrêterait-elle cette meute? Il poussa son cheval en avant, mais la vaillante bête commençait à sentir la fatigue. Le sol, rocheux et glissant, la desservait encore. Elle ne galopait maintenant que d'un train irrégulier. Les chiens gagnaient plutôt du terrain. Tout à coup, du haut d'une crête, Escovedo reconnut la baie du promontoire. « Sauvé !» s'écria-t-il, tout en s'étonnant de ne pas apercevoir la mâture de la Santa Maria. Il pressa l'allure de son cheval. Rien. Il ne voyait pas de navire. C'était bien là, pourtant, le golfe. Là-bas, il reconnaissait le cimetière et le village et le cap d'où il avait fait jeter Sioni. Les hommes avaient-ils tenté sur la caravelle une excursion le long des côtes? Car il ne se pouvait pas qu'une tempête, en cet abri, sans de Dieu. Escovedo venait de se convaincre que le fort n'était qu'une ruine. Accident ou guet-apens, qu'importe, plus de secours à espérer. N'avait-il donc réussi qu'à retarder sa mort? Pour les retarder, il jeta aux chiens, en plusieurs fois, son uniforme espagnol. Tout à la curée prochaine, les chiens ne s'arrêtèrent pas à le lacérer. Son cheval, maintenant, butait à chaque pas. Le capitaine lui frappa la croupe d'un violent coup de crosse. Le cheval s'enleva en hennissant de douleur, bondit, et au bout de quelques foulées, s'abattit, manquant si brusquement des pieds de devant, qu'Escovedo roula à terre. Il était à peine relevé que la meute arrivait sur lui, emplissant le plateau d'aboiements furieux. Escovedo épaula son mousquet. Un chien tomba. Mais la bande ne s'arrêta pas. Retranché derrière son cheval abattu, il se servait maintenant de son arme comme d'une massue, frappant à droite et à gauche de toutes ses forces. Mais les terribles chasseurs étaient plus prompts que lui. Ils bondissaient jusqu'à ses épaules. Déjà, il avait senti leurs dents aiguës. Il reculait pour s'adosser à un arbre. Avant qu'il eût fait quatre pas, il avait une grappe de molosse acharnée à ses jambes. Une morsure plus violente à la main lui avait fait lâcher son mousquet. Il recourut à son couteau, mais un coup de patte lui ayant rempli les yeux de sang, il frappait en aveugle. Ses deux mains étaient impuissantes à repousser cette légion furieuse. Là-bas, les cris des Caraïbes approchaient. Il voulut appeler à l'aide, à tout hasard. Aucun son ne sortit de sa gorge serrée. Escovedo comprit qu'avant l'arrivée de ses ennemis, il serait, vivant, la proie de ses bêtes, et d'horreur, il s'évanouit. Une atroce douleur au cou le réveilla. Il était lié sur un cheval qui galopait à travers une forêt inondée de soleil. Une liane, rencontré au passage, avait failli l'étrangler. Autour de lui chevauchaient des Caraïbes, l'un d'eux brandissait son mousquet et tous riaient, à le voir secoué comme un cadavre par ce cheval écumant. Ses tempes sonnaient, comme pleines d'un glas furieux. Tout son corps n'était qu'une plaie. La fatigue et la faim lui ôtant toute énergie, il lui semblait qu'il devenait fou, que cette vision était un cauchemar. Il resta pourtant la force de conclure, trop cruellement averti de la réalité de son mal. Si les Caraïbes ne m'ont pas laissé dévorer par leurs chiens, c'est qu'ils voulaient me ramener leur village, me soumettre aux tortures promises. Et cette idée, s'ajoutant à ses inexprimables souffrances, il se sentit de nouveau défaillir. Les Indiens arrivaient à ce moment sur un rocher dominant la mer, en vue du village qu'ils avaient abandonné 3 jours avant pour courir à la poursuite du capitaine. Ils chantaient. Que se passait-il ? Anakwa venait de remarquer l'émoi des femmes de la tribu groupées autour de son père et de Ganagari. Toutes montraient l'horizon avec des mouvements d'épouvante. La veuve du cacique regarda la mer que désignaient leurs gestes et elle murmura, saisie, « Les vaisseaux des visages pâles !» C'était une véritable flotte que les vagues leur apportaient cette fois. Tous les Indiens avaient tressailli. La belle guerrière constata d'un regard le saisissement où cette apparition avait jeté ses soldats. Elle voulut réagir et leur faire honte de leur trouble. Elle arrêta le cheval qui portait Escovedo, et secouant l'Espagnol, elle lui cria dans un ricanement « Oh, toi, qui n'as jamais tant mérité le nom de visage pâle, homme blême, rouvre les yeux et regarde les flots infinis et maudis ta destinée. Voilà que tu vas mourir sous les yeux de tes frères accourus à ton secours et qui pourtant ne te sauveront pas. » Escovedo ne semblait pas l'entendre. Elle insista « Regarde donc !» Et lui prenant la barbe, lui tournait la figure du côté de la mer. La tête de l'Espagnol retomba lourdement. Tout son corps oscillait, seulement soutenu par ses liens. Ses paupières, se relevant à demi, laissèrent voir un œil vitreux. Anacoua l'examina de près un moment, puis, dans une exclamation de rage, « La mort s'est trop hâtée, » dit-elle. « Elle nous l'a pris avant qu'il ait assez souffert. » Elle tira son poignard et ajouta. « Eh bien, puisque tu ne veux pas regarder tes frères, puisque tes yeux ne te servent plus à rien. » Elle n'en dit pas davantage, et en deux coups, elle fit de ses orbites vides deux trous sanglants. Quelques instants après, la veuve du cacique et ses hommes arrivaient, tout poudreux, au carbet. Au centre du village, sur la pierre des sacrifices, ils avaient jeté Escovedo, lié encore, et du seuil de sa hutte, la petite sœur d'Anacoua regardait ce cadavre en pleurant. « Vous avez vu les pirogues des Blancs ?» demanda le père d'Anacoua. « Nous les avons vues, » répondit sa fille, et le calme de la réponse contrastait avec le trouble que dénonçait la question. Le père ajouta, « Comment allons-nous nous comporter, d'après vous ? Il n'y a que deux façons d'agir, ou bien nous cacher, et nous le pouvons avant qu'ils n'abordent, nous enfuir dans la forêt, où ils ne poursuivront qu'à grand risque, ou bien nous défendre. Et je suis pour ce dernier moyen, vous aussi, je pense. Nous avons pris à leurs frères des armes que nous saurons bien décharger sur eux, et nous avons nos flèches mortelles, qui anéantiront ceux-ci comme elles ont anéanti les autres. Nous avons constaté nos forces et les leurs. Nous n'avons plus de raison pour les redouter, j'ai dit. » Anacoua espérait une approbation unanime. Le silence accueillit seul ses paroles. « Qu'est-ce ceci ? » reprit-elle. « Oubliez-vous déjà votre gloire récente ? Voulez-vous en laisser perdre le fruit ? Êtes-vous si las de vaincre ? Quoi ? Lorsqu'il vous suffit d'un dernier effort pour décourager à jamais l'envahisseur, vous hésiteriez à le tenter ? » Les chefs continuaient à se taire. Enfin une voix s'éleva qui déclarait « La tentative est au-dessus de nos forces. » Anacoua eut un tressaillement. « Qui donc vient de parler ? » demanda-t-elle, méprisante. « Il m'a semblé, je me trompe sans doute, reconnaître la voix du sorcier. » Ganagari sortit de l'ombre. « C'est moi, » dit-il d'un ton ferme. « C'est bien moi qui parlais en effet. Toi, Ganagari le parjure, toi, Ganagari le guide des visages pâles, toi, l'allié de ceux par qui tes deux enfants sont morts. Tu oses entrer sous ce toit où se discutent les intérêts de la patrie. Tu oses paraître devant les guerriers que tu as trahis. » Les bras croisés, elle le toisait, dédaigneuse. Autour du vieillard, le cercle s'était agrandi. Ceux même dont il avait formulé l'avis n'osaient paraître d'accord avec cet homme. Ganagari ne semblait pas s'apercevoir de l'horreur qu'il inspirait. Il avait relevé la tête et s'était mis à fixer sur Anacoua un regard si triste et si digne que, pour la seconde fois décontenancée, elle n'ajouta rien. Elle semblait maintenant attendre avec curiosité, avec impatience, presque avec angoisse, la réponse de celui dont elle incriminait si durement la présence tout à l'heure. « Personne !» commença le sorcier après un silence. « Personne, excepté Tamou, n'a le droit de juger les consciences. J'ai fait mon devoir comme je l'ai compris. » C'est une question entre le grand esprit et moi. Chose étrange, ce vieillard parlait de sa trahison comme d'un devoir, et tel était son accent que nul n'osa l'interrompre. Il reprit. « Mon fils est mort. Je ne parle pas de ma fille. La façon dont je pense le venger vaudra peut-être la vôtre. En tout cas, c'est à moi que vous devez d'avoir repris le capitaine. Ceci vaut bien qu'on m'écoute. Au surplus, un bon avis est bon, même d'un fou, même d'un maudit. Voici le mien. Vous avez pu vaincre les Blancs parce qu'ils s'étaient séparés en trois corps et que la ruse a décuplé vos forces. La situation est loin d'être la même aujourd'hui. Les navires qui arrivent sont 5 fois plus nombreux qu'ils n'étaient l'autre saison. Leurs équipages sont 10 fois plus forts. Ces tonnerres que cachent les murailles de leurs pirogues et qu'ils n'ont pas encore braqués sur nous, ils les allumeront cette fois. Vous devez vous attendre non plus à un accueil de père de famille recevant un hôte, mais aux violences de soldats résolus à venger leurs compagnons. Car les nouveaux venus connaissent le sort de ceux qui les ont précédés. Ces vaisseaux, vous ne l'avez pas remarqué peut-être, suivent la côte, venant du sud, venus pour aborder à la baie où ils avaient laissé leurs frères. Ils ont constaté la destruction du navire et du fort, ils arrivent pour vous en punir, et la fuite même ne saurez-vous dérober longtemps à leurs représailles. » Il y eut dans l'assemblée un mouvement pour approuver ces conclusions. Du reste, continua le sorcier, vous ne sauriez, en fuyant, empêcher qu'ils occupent l'île et s'y installent. Prétends-tu l'empêcher, toi ? Demanda quelqu'un. Non, certes, mais j'espère les voir y user leurs forces. Bref, nous ne sommes pas assez puissants pour les chasser. Ou je me trompe, ou nous trouverons des alliés dans notre sol d'abord, dans leur passion ensuite. Que veux-tu dire, sorcier ? Interrogèrent-ils tous ensemble. Je m'expliquerai plus tard, et les faits parleront. Les Indiens le regardaient, surpris. Sans s'expliquer pourquoi, hostiles tout à l'heure, leur confiance allait maintenant presque jusqu'au respect. À ce moment, un groupe de femmes éplorées souleva la natte qui fermait l'entrée du cabaret. « Défendez-nous, ô chef, gémissait-elle, défendez-nous, voici les visages pâles. » Une certaine émotion accueillit cette nouvelle. Là-bas, la haie menaçante des navires énormes se rangeait au rivage. « Que nous conseilles-tu, sorcier ? » demanda le père d'Anakua. Le vieillard s'adressa à la belle guerrière. « Donne-moi ton poignard, » dit-il d'un ton sans réplique. Elle le lui remit. Et les dents serrées, il se fit de larges blessures aux bras et aux jambes. « Bande-moi ces plaies, » reprit-il. Et pendant qu'Anakua obéissait, il ajouta avec autorité « Maintenant, laissez-moi faire !»